Et bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjack 82.1 émission Code du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission reggae où je vais vous passer du lourd. Mais alors vraiment du très très lourd quoi, vous allez kiffer. J'en suis sûr et même certain les amis. Allez tout de suite passons à notre premier artiste qui est General Lion Eye. C'est un groupe, mais que j'adore, quoi. Ils font partie de mes groupes préférés, car vraiment, ils déglinguent tout. J'adore ce groupe. Et le titre est Ensemble, vous allez voir, c'est juste une tuerie. Allez, on se retrouve juste après, les amis. Voilà mes Rasta, c'était General Lion Eye ensemble. Allez, passons à notre deuxième artiste qui est Mo Mystique. Le titre de cette chanson est Ne craque pas. Le clip a été tourné à Nancy d'ailleurs, un peu partout dans la ville, à La Paix, Place de la Carrière, vraiment partout, partout. Il est juste super le clip et la chanson, c'est pareil, elle est au top du top. Clairement, c'est une chanson que j'adore. Donc je vais directement vous la passer en espérant que vous allez apprécier. Donc c'est parti, let's go. Continue. Et on lâche pas. Right? Again and again and again and again and again. Eh bien voilà, mes Rastas, c'était Mot Mystique, ne craque pas. Allez, notre prochaine chanson est d'un groupe très très spécial. Ils sont suisses et le nom du groupe, accrochez-vous bien car c'est un nom imprononçable. Je vous garantis pas que j'y arrive du premier coup, hein, car c'est vraiment très compliqué. C'est Brada Fra Mana Damada. Doucement, ça va. Vite. C'est impossible, donc je ne le ferai pas car vraiment c'est beaucoup trop compliqué. Le titre, Dieu merci, est quand même bien plus simple. C'est Babylon Berne. Eh oui, vous allez voir, c'est vraiment une chanson que j'apprécie. Les chanteurs sont un peu fêlés, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont totalement starbés, ils sont dans leur monde. Et n'empêche que bah, la chanson, je pense que c'est ça aussi qui fait que la chanson est bien en fait. Ils sont tellement perchés que ça donne un truc à la chanson. Vous allez voir. Je pense qu'il y a des chances que vous adoriez. En tout cas, je l'espère. Allez, c'est parti, mes Rasta. Welcome to Switzerland ghetto. We're taking up the place, you must turn up your radio. The people not stop, them never slow the tempo. When I smoke this 70 dom dom, it's a rude boy zone. Lorsque je regarde tout autour de moi, il n'y a que des gens pressés. Et je ne comprends pas comment la société dans notre pays a-t-elle pu en arriver jusqu'ici. Ici c'est Babylone. Je ne sais plus quoi faire. Oui c'est Babylone. Et je chante le reggae, les drapeaux en berne. Mes sœurs et mes frères, Berne c'est Babylone. Laissez-nous fumer. No cultivation, in a deep bamboo clad legislation. Politics them spreading me corruption. One day we'll fire federal man. Woyo, woyo. Chante le reggae, les drapeaux en berne. Mes sœurs et mes frères, Berne c'est Babylone. Berne c'est Babylone. Eh bien voilà mes Rastas, c'était Brada Framada Damada. Ouais, je galère vraiment à le dire quoi, c'est... Non mais je vous jure, hein, c'est vraiment imprononçable quoi. Vous tapez Babylon Berne sur YouTube, forcément ça va vous mettre le nom du crew, mais vous allez avoir peur. Hein. Il y a des A de partout quoi. Brada Framanadamada. Non mais c'est quoi de ce nom? Je vous le dis, même dans le clip, hein, on voit qu'ils sont vraiment perchés, quoi. Mais genre vraiment, quoi. Mais malgré ça, c'est vraiment super bien, quoi. Franchement, moi, j'adore ce groupe, quoi. Mais bon, allez, notre prochaine artiste, c'est vraiment autre chose. C'est le titre de la chanson, quoi. C'est Homme libre. Donc déjà, c'est un autre titre. Et vous allez voir que c'est vraiment, mais alors vraiment une chanson que j'adore. C'est super. Enchaîné tel un esclave, jour après jour je creusais ma tombe, les yeux baissés, paix à mon âme. Je ne voyais de moi qu'une ombre. La peur des gens m'a dénudé. La patte du gain m'a dirigé. Pendant longtemps je n'ai pas crié. Mais maintenant ça va changer. Je suis né en homme libre. Puis j'ai vendu mes rêves. C'est que vivre. pas survivre. Maintenant je me relève. La tâche est loin d'être facile. Comment renaître de mes cendres? Mon cœur est doux mais pas docile. Alors je chante pour me défendre. La paix dans l'âme, je prends la route. Marchant hors des passages cloutés, rien ne peut plus mettre en doute cette folle envie de liberté. Mes chaînes sont brisées, je veux courir et parcourir le monde. Mon regard s'est levé vers l'avenir. Je vivrai chaque seconde et je serai cet homme libre qui réalise ses rêves. J'entends ce rythme qui me délivre. Un nouveau jour se lève. Voilà les amis, c'était Homme Libre. Allez, notre prochain artiste n'est pas un artiste, mais un groupe que tout le monde connaît. Et oui, ce grand groupe de reggae français qui s'appelle Trio. Ah oui, ce groupe que tout le monde connaît d'ailleurs. Et il y a quelques années, il y a maintenant 3 ans, ah ouais, déjà, ils ont repris une chanson que j'adore de Francis Cabrel qui s'appelle La Corrida. Je sais pas vous, mais moi cette chanson, je l'adore quoi. Déjà, Francis Cabrel, c'est un artiste que j'adore. Il a une sacrée voix. Il vient du sud, hein. Donc ça en fait partie aussi. Et il a que des belles chansons, hein. Clairement. Ses chansons, elles, même si c'est pas reggae, j'adore. Et La Corrida, je pense que c'est l'une de mes préférées de Francis Cabrel. Et Trio l'a repris. Donc je me suis dit, bah, on va l'écouter en reggae. Et vous allez voir qu'ils l'ont très très bien repris. Allez, c'est parti, mes restants. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Premier moment j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Il

Bien voilà les amis, c'était Ramsin sur tes lèvres. Allez, passons à notre dernier artiste, et lui déjà, qui est un chanteur du Burkina Faso. Son nom est Buz Nader, le maître. Eh ouais, le maître, c'est le titre de la chanson et vous allez voir, c'est une tuerie. C'est Burkina Dance All King, quoi, c'est une tuerie. C'est de la dinguerie, comme on dit. Allez, c'est tout de suite la dernière chanson, let's go. Tes bras en l'air, gal criminal. Appelle-moi Buzz, Buzz. Sous le beat, tu es à l'aise, l'aise. On t'envoie du balèze dans tes oreilles. C'est chaud comme de la braise, braise. Mais quand on voit Burkina Faso, Waga en Bobo du lasso. Vous vous êtes pris pour nos égos. Prépare-toi, je prends le pays en assaut. Original style, tous les morgans et les meufs sont de taille. My enemy is prior, because today I'm flyer, flyer. C'est Buzz Nader on the beat. Maladie comme un shake it. Move ta tête, love baby. Open your ears and listen to it. Music, music, my dancehall music. Music, music, my dancehall music. Sans doute, voilà le son faut en jaillir. Original stylé, au micro c'est Buzz, Buzz. Pourquoi vous tremblez? Je vous fais peur, peur. Puissance, Nader, puissance. Oh my God, puissance, Mr. Buzz, Nader, puissance. Oh my God, puissance, Nader, puissance. Oh my God. A puissance, Mr. Buzz and Nader, a puissance. Music, music, my dancehall music. Music, music, my dancehall music. Eh bien voilà, mes Rasta, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Et oui, cette émission est déjà finie, je sais, ça passe très très vite. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Et je vous dis à dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Salut tout le monde.